Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Superfail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Superfail. Quelles sont les conséquences sanitaires d'une catastrophe nucléaire? Et je pense notamment à Fukushima et aussi, bien entendu, à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Il se trouve que les Nations Unies ont créé en 1955, donc 33 ans avant la création du GIEC, une autre agence onusienne qui s'appelle, avec un accent délibérément français, l'UNSCEAR, c'est-à-dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, dont les rapports sont superbement ignorés par les médias français, donc ça c'est une bonne question. Ces rapports compilent la littérature scientifique qui est disponible sur l'influence des rayonnements ionisants sur les hommes. Alors des rayonnements ionisants, vous en prenez à cause du rayonnement cosmique, vous en prenez à cause du rayonnement terrestre, tellurique, vous en prenez à cause des radios et de l'imagerie médicale, et la question c'est pas est-ce que vous allez mourir si vous en prenez, parce que ça la réponse est non, la question c'est jusqu'à quelle dose est-ce que vous pouvez aller avant que ça commence à devenir enquiquinant. Voilà. Ça fait très très longtemps qu'il y a des études sur la question, on sait très bien depuis longtemps que Marie Curie est morte à cause de ça, et en 1928 il y a déjà une première commission de protection contre les rayonnements ionisants qui avait été mise en place, donc il y a un siècle de littérature scientifique là-dessus, et l'UNSCEAR a rendu des rapports de 400 pages en anglais que personne ne lit, à la fois sur Tchernobyl et Fukushima, et la conclusion du rapport sur Tchernobyl, Fukushima, on est quand même d'accord pour dire qu'il y a eu des morts, la maladie sûr. Des rayons a fait des morts. Bien sûr, je peux vous dire ce qu'il y a dans les rapports en question, que vous pouvez aller vérifier. En ce qui concerne Fukushima, le rapport dit il n'y aura pas de mort à cause du surplus de rayonnement ionisant, il n'y en aura pas, voilà. Jean-Marc Jancovici, dont vous venez d'entendre la voix, a évoqué le peu d'intérêt des médias français pour cette question. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous inviter, Martin Schlumberger. Bonjour. Bonjour. Vous avez été chef du service de médecine nucléaire de l'Institut Gustave Roussy. Alors tout d'abord, une question rituelle. Avez-vous des liens avec le nucléaire? Oui. j'ai conseillé comme expert depuis une trentaine d'années Électricité de France pour les effets sanitaires des radiations. Et puis j'étais également, pendant un temps, membre du conseil scientifique de l'IRSN. Et mon unité à Gustave Roussy était centre de référence pour la radiobiologie de la thyroïde. Donc j'ai à la fois participé à des commissions internationales et puis comme expert à EDF. Qu'est-ce que l'on peut savoir aujourd'hui sur les conséquences sanitaires de ces deux catastrophes nucléaires, Tchernobyl et Fukushima, avec, tout d'abord, d'après ce que disait Jean-Marc Jancovici, les conséquences sur la santé des enfants? Alors, je me base sur, comme disait M. Jancovici, sur les données scientifiques qui ont été publiées, reconnues par des pairs et non démenties. Donc, Tchernobyl, c'est 1986, avril 1986, donc ça fait quand même plusieurs décennies qu'on a pu étudier les conséquences sanitaires de l'irradiation, notamment des enfants. Donc à Tchernobyl, il faut bien avoir conscience qu'il y a eu une libération d'une quantité absolument considérable de radioactivité dans l'atmosphère avec des isotopes très divers. Deux sont essentiels pour les effets sanitaires. L'un, c'est l'iode radioactif, les iodes radioactifs, et notamment l'iode 131, qui a une demi-vie de 8,02 jours. Et l'autre, c'est le césium-137, qui a une demi-vie de 30 ans. Demi-vie, ça veut dire que c'est le temps qu'il faut attendre pour que la quantité de radioactivité diminue d'un facteur 2. Donc, dans le cas de l'iode 131, 8 jours, au bout de 10 périodes, 10 demi-vies, on estime qu'il n'y a plus de danger, il n'y a plus de contamination possible. Mais quand c'est 30 ans, ça fait très très longtemps. Donc on part de ces deux isotopes radioactifs et on peut regarder quelles sont les conséquences potentielles de l'irradiation par ces deux isotopes radioactifs. Je commence par le césium parce que c'est ce qui est le plus simple. Le césium se répartit dans l'organisme comme le potassium. Donc une petite contamination, même une contamination assez grave, va délivrer aux organes des doses d'irradiation assez faibles. Par contre, l'iode radioactif, c'est un vrai problème. L'iode radioactif, même quand la personne est contaminée par des activités, des quantités assez faibles, l'iode radioactif est concentré dans la thyroïde. Concentré dans la thyroïde de manière extrêmement efficace. Et d'autant plus qu'il existe une carence iodée. Donc vous imaginez que la thyroïde d'un enfant, à 1 an c'est 1 gramme, à 5 ans c'est 5 grammes à peu près. La thyroïde de l'enfant va concentrer en quatre carences iodées, comme il existait en Biélorussie, Ukraine et Russie. La carence iodée va faire que tout l'iode radioactif qui pénètre dans l'organisme va être concentré dans la thyroïde. Donc la concentration radioactive dans la thyroïde va être extrêmement importante et la dose de radiation délivrée à la thyroïde va être importante. En moyenne, on estime que dans les régions les plus contaminées, les enfants ont reçu des doses de plusieurs centaines de millisieverts. La conséquence de cette irradiation de la thyroïde chez l'enfant est d'induire des tumeurs de la thyroïde et notamment des cancers de la thyroïde. Et effectivement, on a vu dans les années qui ont suivi Tchernobyl, c'est-à-dire dès les années 1990, avec une première publication en 1992, des cancers de la thyroïde apparaître chez les enfants. Alors c'est pas un petit problème, c'est qu'il y a 2 millions d'enfants qui ont été fortement contaminés, 2 millions d'enfants, ce qui est absolument considérable. En Biélorussie, sud de la Biélorussie, nord de l'Ukraine, Tchernobyl étant juste à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine, et puis une partie du sud de la Russie. Donc 2 millions d'enfants. Le cancer de la thyroïde chez l'enfant était une infection heureusement extrêmement grave, spontanément. On estime qu'il existe un cas par million d'enfants et par an environ. Là, on a observé depuis entre 86 et 2005, dans les 20 ans qui ont suivi, près de 6000 cas de cancer de la thyroïde survenant chez les enfants qui avaient moins de 14 ans ou moins de 18 ans au moment de l'accident de Tchernobyl en 1986. Donc c'est une augmentation qui est absolument considérable et qui ne pose aucun problème de discussion, savoir s'il y a des cancers de la thyroïde de Tchernobyl chez l'enfant. La réponse est oui, il y en a eu beaucoup. Alors, ces cancers de la thyroïde peuvent être soignés, traités. Et on utilise pour les traiter la chirurgie, donc on enlève la thyroïde et puis les ganglions qui sont autour. On utilise l'iode radioactif pour détruire ce qui reste de tissu cancéreux. Et puis après, comme il n'y a plus de thyroïde, on donne de la thyroxine pour compenser l'absence de thyroïde. Donc grâce à ces traitements qui sont maintenant bien éprouvés, on arrive à guérir, heureusement, la majorité des enfants, mais également des adultes, hein, qui développent des cancers de la thyroïde, soit spontanément, soit après irradiation. Alors, j'ajoute un point qui est assez important, c'est que rien ne distingue, au point de vue présentation clinique, évolution, réponse au traitement, le cancer de la thyroïde spontané, survenant en l'absence d'irradiation, du cancer de la thyroïde survenu après irradiation. Donc, on peut très bien appliquer ce qu'on connaît du cancer de la thyroïde spontané au cancer de la thyroïde après irradiation. Si ces enfants avaient pris des pastilles d'iode... Alors effectivement... En 1986, il y avait des... Vous savez, malheureusement, en science, il y a des dogmes. Et en 1986, on pensait que l'iode radioactif ne pouvait pas provoquer de cancer de la thyroïde. Ce qui était une erreur manifeste. Donc les autorités soviétiques de l'époque n'ont pris aucune mesure de protection de la population. Les enfants, au moment du 1er mai, sont sortis, ont respiré plein poumon l'air contaminé, ont continué à manger des aliments contaminés, notamment le lait produit sur place qui était fortement contaminé. Donc la contamination était extrêmement importante. Et en plus de ça, il existait une carence iodée extrêmement importante en Biélorussie. Donc tout était là pour que les conséquences de Tchernobyl, de la contamination de Tchernobyl, soient désastreuses. Alors Fukushima, ça n'est pas la même situation. Alors Fukushima, c'est très différent. C'est très différent. Il y a eu, et là aussi, un accident nucléaire gravissime, mais il y a des différences importantes. La première, c'est que la quantité de radioactivité libérée dans l'atmosphère est environ 10 fois moins importante qu'à Tchernobyl. La deuxième, c'est que les enfants ont une alimentation japonaise, notamment tout le monde mange des algues par exemple, riche en iode, ce qui fait que la thyroïde des enfants concentre beaucoup moins efficacement l'iode radioactif que la thyroïde des enfants de Tchernobyl. Donc la contamination et l'irradiation de la thyroïde des enfants de Fukushima étaient très inférieures à celle de Tchernobyl et les mesures qui ont été faites dans les jours qui ont suivi l'accident de Fukushima ont montré que la majorité des enfants, la thyroïde des enfants avait reçu des doses de l'ordre du millisievert ou moins. Et puis la troisième chose, c'est que les autorités japonaises ont tout de suite réagi. Réagi, c'est-à-dire confinement, interdiction alimentaire, aliments produits sur place et notamment lait contaminé, et puis évacuation. Toujours pas de pastilles d'iode. très peu de pastilles d'iode à Fukushima parce que les calculs ont montré que la dose à la thyroïde était faible. La dose projetée à la thyroïde était faible. Donc, l'iode, le KI, l'iodure de potassium, les pastilles d'iode, comme vous dites, ont été jugées inutiles. Parce qu'il y a des effets secondaires. Alors, l'iodure de potassium, les pastilles d'iode qui sont distribuées actuellement en France autour des 19 installations nucléaires, sont un mécanisme très important et très efficace pour protéger la thyroïde contre l'irradiation. Le principe est simple, hein. On donne une quantité importante d'iodure de potassium, donc comprimé qui contient 50 mg d'iodure, et cette quantité importante d'iodure de potassium bloque la fixation de l'iode radioactif par la thyroïde. Et donc, si on donne de l'iodure de potassium en quantité importante et s'il y a une contamination par la suite, eh bien, l'iode radioactif ne rentrera pas dans la thyroïde et comme elle ne rentre pas dans la thyroïde, eh bien, elle ne contamine pas la thyroïde et donc ne l'irradie pas. Donc ça, c'est une mesure de protection prophylactique qui est extrêmement efficace. Et c'est pour ça que 2 millions de personnes actuellement en France reçoivent des pastilles d'iode pour qu'en cas d'accident nucléaire, bon, je sais que c'est très peu probable, mais que c'est une mesure de précaution supplémentaire. Alors, l'iodure de potassium a très peu d'effets secondaires, notamment chez l'enfant. L'iodure de potassium peut provoquer des problèmes thyroïdiens, notamment une hyperthyroïdie, chez des personnes plus âgées qui ont déjà des pathologies thyroïdiennes. Mais chez l'enfant, il y a, on peut dire, quasiment aucun problème. Et d'ailleurs, après Tchernobyl, en Pologne, 18 millions de Polonais ont reçu des pastilles d'iode et les effets néfastes ont été extrêmement rares. Il y a eu 3 hospitalisations pour bronchospasme sur 18 millions de personnes. Il y a un petit danger chez le nouveau-né. Le nouveau-né n'a pas établi de régulation de la fonction thyroïdienne et notamment des moyens de défense vis-à-vis de l'iode stable. Donc une grosse quantité de d'iode stable peut provoquer chez le nouveau-né une hypothyroïdie transitoire. C'est ce qui est observé chez quelques nouveau-nés polonais, donc 3250 nouveau-nés polonais ont reçu de l'iode au moment de Tchernobyl. Quelques dizaines ont fait une hypothyroïdie transitoire qui a récupéré dans les jours qui ont suivi, en quelques jours. Et à long terme, il n'y a eu aucune séquelle de développement cérébral chez ces nouveau-nés. Martin Schlumberger, vous qui avez été chef du service de médecine nucléaire à l'Institut Gustave Roussy, en dehors donc de ces cancers pédiatriques, de ces enfants qui, à Fukushima et à Tchernobyl, ont été affectés par ces maladies, que sait-on sur les conséquences de ces deux catastrophes nucléaires sur les adultes cette fois-ci? Alors, chez les adultes, on peut reprendre le même discours. La thyroïde de l'enfant est très sensible aux effets des radiations. C'est l'organe le plus sensible de l'organisme aux effets des radiations. Donc une dose d'irradiation relativement faible peut déclencher des cancers de la thyroïde. Et on estime que 100 millisieverts, voire 50 millisieverts, est la dose minimale qui peut augmenter le risque de cancer de la thyroïde par la suite. Chez l'adulte, la thyroïde de l'adulte est beaucoup moins sensible que la thyroïde de l'enfant aux effets cancérigènes des radiations. Et on estime que au-delà de 20 ans, le risque de cancer de la thyroïde radio-induit est très faible, voire inexistant. Donc, chez l'adulte, contaminé à Tchernobyl, on a retrouvé une petite augmentation des cancers de la thyroïde par la suite. Mais il est absolument impossible actuellement de faire la part de ce qui revient à l'irradiation de Tchernobyl en 86 et d'autre part l'incidence spontanée. Et cette incidence spontanée est en apparence possiblement très augmentée par les méthodes de dépistage actuelles. Vous savez qu'en France, grâce à l'échographie, grâce à la cytoponction, l'incidence du cancer de la thyroïde depuis la fin des années 70, début des années 80, est passée d'environ 1600-1800 cas par an à plus de 10 000 cas. Ceci n'a rien à voir avec Tchernobyl. C'est simplement lié au fait qu'on a des moyens de détection du cancer de la thyroïde qui sont beaucoup plus sensibles, notamment l'échographie. Et donc on dépiste actuellement des tout petits cancers de la thyroïde qui, s'ils n'avaient pas été dépistés, n'auraient probablement jamais parlé, n'aurait probablement jamais donné de symptômes et n'aurait probablement jamais provoqué le décès de l'individu. C'est ce qu'on appelle le surdiagnostic. Et on estime actuellement, ça c'est des données de la littérature internationale, que 80% des cancers de la thyroïde en France actuellement sont du surdiagnostic. C'est-à-dire c'est des diagnostics qui sont inutiles ou en tous les cas peu utiles. À Tchernobyl, c'est la même chose. En dehors donc de cette question de la thyroïde, il n'y a pas que la thyroïde qui est affectée par les radiations. Que sait-on sur les conséquences de ces deux catastrophes, Martin Schlumberger, s'il fallait nous dire quelles ont été les conséquences à court, moyen et long terme? Alors, il y a deux types de conséquences. Il y a les conséquences, donc thyroïde, on l'a vu, conséquences sur le reste de l'organisme. Les conséquences sur le reste de l'organisme sont liées à une éventuelle irradiation des autres organes. Alors, on estime que cette irradiation liée à l'iode 131 est extrêmement faible. Le problème, c'est l'irradiation liée au césium-137. Et la dose reçue dans les régions les plus contaminées par les personnes qui vivaient sur place est estimée à une cinquantaine de millisieverts dans les 20 ans qui ont suivi. C'est beaucoup? C'est à mettre en rapport avec la dose d'irradiation annuelle qu'on reçoit. En France, c'est 2,4 millisieverts. Vous voyez, sur 20 ans, ça fait une cinquantaine de millisieverts. Donc, c'est du... Donc ils ont reçu en un an ce que l'on reçoit en 20 ans? Non, ils ont reçu en 20 ans le double de ce qu'on reçoit normalement en 20 ans. Vous voyez, le double. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Alors, on estime également que pour provoquer un cancer, il faut recevoir une dose d'environ 100 millisieverts. Vous voyez, donc on est quand même très en dessous de la dose qui peut être considérée comme dangereuse. Alors, naturellement, il y a des études épidémiologiques qui sont en cours, parce qu'il faut bien comprendre que la seule manière de dire que l'irradiation provoque des cancers, c'est l'épidémiologie. Est-ce qu'il y a plus de cancers chez les personnes qui ont été possiblement contaminées que chez les personnes qui n'ont pas été contaminées? Ok, ça c'est simple à comprendre. Eh bien, ces études épidémiologiques n'ont pas montré d'augmentation significative des cancers dans les populations les plus contaminées. Donc, actuellement, on peut exclure qu'il y ait plus de cancers chez les personnes vivant aux alentours de Tchernobyl, dans les régions les plus contaminées. Il existe quelques indications, mais qui sont peut-être pas très fiables, chez les 530 000 liquidateurs qui sont venus sur le site de Tchernobyl pour éteindre l'incendie et arrêter la libération des isotopes radioactifs dans les années qui ont suivi Tchernobyl. Donc 530 000 personnes. Et on a suivi ces gens-là. Il existe peut-être une petite augmentation des cancers du sein et des leucémies, mais qui est à peine significative. Comment le sait-on? Comment est-on capable de suivre ces populations? Parce que ce que l'on se dit, c'est que les gouvernements, notamment la Biélorussie, n'est pas un gouvernement démocratique. Bref, on peut douter, on a toujours le droit de douter, Martin Schlumberger, mais on peut douter de ces gouvernements qui ne sont pas des gouvernements démocratiques. Là, je pense au gouvernement de la Biélorussie, pour dire la vérité sur ce qui s'est passé, sur les conséquences actuelles. Il n'y a pas que les Biélorusses, les Ukrainiens et les Russes qui participent à ces recherches épidémiologiques. On a aussi des données qui viennent des coopérations internationales, notamment avec l'Union européenne ou les Américains. Et donc, il y a quand même des contrôles externes qui sont effectués sur ces études épidémiologiques. Et aucune étude épidémiologique actuellement n'a montré d'augmentation significative du risque de cancer ou de leucémie chez les personnes contaminées. J'ajoute qu'après Tchernobyl, on a dans la presse vu courir des informations qui ont été démenties par la suite, notamment du risque de malformation congénitale et du risque de leucémie chez les personnes contaminées, informations qui ont été totalement démenties. Alors ça, c'est le problème de l'irradiation, la contamination radioactive. Et puis un autre problème, qui est le problème principal, en fait, dans ces populations, c'est la diminution des conditions de vie, de la qualité des conditions de vie, liées aux conditions économiques, mais liées aussi à l'évacuation des territoires les plus contaminés. Vous savez qu'autour de Tchernobyl, dans la zone de 30 km autour de Tchernobyl, 130 000 personnes ont été évacuées et se sont retrouvées dans des conditions tout à fait déplorables dans les années qui ont suivi. De même, à Fukushima, non seulement il y a eu le tsunami qui, je vous rappelle, a provoqué quand même 20 000 morts, hein, contre deux personnes qui sont décédées, un d'un problème cardiaque et un autre de chute, parmi les ouvriers qui travaillaient sur le site de Fukushima, donc deux morts vis-à-vis de 20 000. Les personnes qui ont été déplacées, évacuées des régions les plus contaminées parce qu'ils risquaient de recevoir des doses supérieures à 20 millisieverts par an, eh bien, ces personnes ont eu des conditions de vie tout à fait dégradées dans les années qui ont suivi, et notamment les personnes âgées. Et on a observé dans ces populations donc évacuées une augmentation de la mortalité, une diminution de la natalité et une diminution de l'espérance de vie. Donc il y a eu des conséquences non pas liées à l'irradiation, mais liées aux conditions économiques dans lesquelles vivaient ces gens. Martin Schlumberger, il y a un témoignage, alors qui n'est pas du tout un témoignage de scientifique, mais un témoignage d'artiste, je pense à Svetlana Alexeyevitch, qui a eu le prix Nobel en 2015. On lui doit La Supplication, c'est un livre qui est paru en 1997, et ce sont les chroniques du monde d'après l'apocalypse, c'est ainsi qu'elle sous-titre ce livre sur la catastrophe de Tchernobyl. Elle parle de tous ces hommes qui ont travaillé, donc vous évoquez ces 530 000 hommes qui ont travaillé pour tenter de remédier ou essayer de diminuer les risques liés à la catastrophe de Tchernobyl. On est très étonné d'apprendre, par rapport au récit qu'elle en fait, qui est un récit catastrophique, qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus de victimes parmi ces hommes et ces femmes. Écoutez, moi j'ai pas d'informations personnelles sur le devenir de ces personnes. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu 530 000 jeunes hommes hein, de l'armée soviétique qui sont nus sur place. Je vous ai coupé, c'est-à-dire, elle, ce qu'elle dit, c'est que on est face à un pouvoir qui est un pouvoir totalitaire, même si on est dans les décombres de l'URSS, et que ces gens sont envoyés comme ça périr, alors qu'en Occident, évidemment, on n'aurait pas pu faire la même chose. Même chose pour Fukushima, où là, on dit que il y a eu toutes sortes de ruses extrêmement cyniques et terribles pour envoyer ces gens travailler près de la centrale dans les zones contaminées. Écoutez, je pense que en Union soviétique, les 530 000 personnes qui sont nues sur le site de Tchernobyl ont été renvoyées par la suite dans leur foyer, que les dosimétries ont été en partie détruites, donc on a beaucoup de mal à savoir quelle est la dose qu'ils ont reçue quand ils étaient sur le site de Tchernobyl. Ce qu'on sait, c'est que parmi les informations reçues, publiées, la dose moyenne était de l'ordre de 120 millisieverts par individu, mais il y a probablement beaucoup d'individus de liquidateurs qui sont nés sur place, qui ont reçu des doses supérieures à 120 millisieverts quand ils étaient sur place. Le suivi de ces personnes est incomplet, et la seule chose que je puisse vous dire, c'est que certaines publications font état d'une petite augmentation de cancer du sein, une petite augmentation de leucémie, mais c'est les seules données dont on dispose. Il est probable que certaines de ces personnes, certains de ces liquidateurs ont reçu des doses importantes, et qu'ils sont à risque de développer par la suite des problèmes sanitaires. À Fukushima, eh bien, sur les 20 000 personnes qui sont nues sur le site dans les jours qui ont suivi ou les semaines qui ont suivi l'accident de Fukushima en mars 2011, seulement quelques dizaines ou une centaine de personnes ont reçu des doses significatives de plus de 100 millisieverts. Donc, je pense qu'à Fukushima, les autorités japonaises ont pris des précautions qu'on n'avait pas prises à Tchernobyl. Si on essaye de comprendre comment la radioactivité agit pour provoquer les cancers, vous nous avez évoqué le cancer de la thyroïde, les cancers généraux des autres organes qui peuvent être liés avec les différents types de radioactivité. Que sait-on, Martin Schlumberger, sur les processus qui sont à l'œuvre ? Ben, on sait que le cancer radio-induit est lié à des altérations de la molécule d'ADN. Donc l'irradiation provoque des cassures du double brin de la molécule d'ADN, et quand la cellule se divise, se réplique, eh bien ces cassures vont provoquer ce qu'on appelle des anomalies, des mutations qui vont déclencher une instabilité génomique, et les mutations vont s'accumuler au niveau de la cellule jusqu'à transformer la cellule normale en cellule tumorale cancéreuse. Donc le processus nécessite deux choses. Un, c'est qu'il y ait des doses suffisantes, parce que plus la dose est importante, plus la probabilité de provoquer des anomalies au niveau de la molécule d'ADN est importante. Et deuxièmement, que la cellule se divise. La cellule de la thyroïde de l'enfant se divise beaucoup parce qu'on passe de 1 gramme à 1 an à 5 grammes puis 15 grammes à l'âge adulte. La cellule thyroïdienne de l'adulte ne se divise qu'une fois tous les 8 ans environ. Donc c'est ce qui explique que le risque de cancer de la thyroïde radio-induit chez l'adulte soit très faible. Lorsqu'on évoquait, ça a été fait dans l'extrait de l'interview de Jean-Marc Jancovici que je vous ai diffusé, alors par exemple le cancer de Marie Curie, vous avez dit qu'au-delà, je crois, de 100 millisieverts, on avait un risque de cancer. Et alors, ces pionniers-là, quel type de dose prenaient-ils ? Ils prenaient des doses de plusieurs sievertes. Parce que Marie Curie, à l'époque, comme les radiologues dans les années historiques, là, dans les années 1920, avant la guerre de 40, disons, ne se protégeait absolument pas. Donc Marie Curie manipulait des aiguilles de radium, manipulait à main nue des produits radioactifs et recevait au niveau de ses mains, mais également de tout son corps, des doses absolument considérables. Les radiologues qui manipulait, qui posait les mains là, sur le faisceau de rayon, dans le faisceau de rayon, recevait également des doses considérables au niveau des extrémités. Et ils avaient donc des dermites radio-induites, des altérations de la peau radio-induites, sur lesquelles se développaient par la suite des cancers cutanés. Mais la dose d'irradiation était maximale au niveau des mains, mais également au niveau de l'organisme. Et c'est un certain nombre de ces radiologues sont décédés de cancer radio-induit ou de leucémie. Donc alors tout ceci, aujourd'hui, n'arrive plus ou n'est plus censé arriver ? Heureusement. Si vous voulez, tous les personnels qui travaillent sous radiation ionisante, au contact des radiations ionisantes, c'est-à-dire les personnes qui travaillent en médecine nucléaire dans les hôpitaux, en radiologie et en radiothérapie, sont soumis à des contrôles extrêmement stricts. Et du point de vue Et même, j'ajoute à Électricité de France, la dose maximale reçue par des travailleurs du nucléaire est de 13 millisieverts par an. Donc la dose maximale actuellement est de 13 millisieverts par an, donc des doses qui sont relativement faibles et non dangereuses. Du point de vue donc de votre expertise, Martin Schlumberger, il est impossible d'imaginer que dans certaines zones, puisque on a parlé des zones qui ont été frappées par des catastrophes nucléaires, Fukushima, Tchernobyl, d'autres zones ont des liens avec la radioactivité. Je pense par exemple au site de La Hague, là où il y a des retraitements de déchets. Est-ce que là aussi ces zones sont surveillées ? Que pouvez-vous nous en dire ? Autour des centrales nucléaires, on en a fait naturellement des études, ne serait-ce que pour assurer les populations, pour montrer qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque de cancer et de leucémie autour de ces installations nucléaires, que ce soit là ou autour des autres sites nucléaires en France. Donc là, les populations peuvent être totalement rassurées. En conditions de fonctionnement normal, il n'y a pas de danger. Et s'il y a un accident de centrale nucléaire en France ou ailleurs dans le monde, on a maintenant des mesures prophylactiques pour éviter l'irradiation des populations, notamment de la thyroïde des enfants. Merci beaucoup Martin Schlumberger. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Faut-il avoir peur de la radioactivité ?» Il est publié chez Odile Jacob. Vous pouvez m'envoyer vos idées de sujets, vos critiques, vos suggestions sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com. guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre, à la production gâchée par Valentin Bobinet, à la technique complètement ruinée par David Jacoboviez, à la réalisation. Et merci aussi à Louison Carouet qui nous a aidé à préparer ce Superfell.